t'inquiète, comme un wesh de Pakistan. Et ça fait longtemps que j'ai le flow, t'inquiète pas, c'est Pakistan. Et dans le rap, je viens m'installer, squatter d'aller. J'ai la dalle avec mon équipe de taré. Si tu rages, on peut t'étaler, taré. Dire qu'on n'a pas le niveau, moi et mes potes. Peu importe, on passe par la fenêtre. Si vous nous fermez les portes, peu m'importe. La pensée déjantée, d'accord avec moi pour dire qu'on vit dans un monde déjanté. On veut déjanter des bodies pour s'endormir en nique. On est ta merde, j'avais promis de rester poli. Oh, je suis pas de party, oh, mon vieux body, yo. Oh. Vais-je percer ou pas? Allez-y, lancez les party, oh. Y'a trop de bruit, j'entends à peine les dents. Moi mes parents la mandaine, la denne. J't'assure j'aurai la couronne avant que d'autres l'atteignent. Et je rallumerai la flamme avant que d'autres l'éteignent. Y'a trop de bruit, j'entends à peine les dents. J'crois en moi mes parents la mandaine, la denne. J't'assure j'aurai la couronne avant que d'autres l'atteignent. Et je rallumerai la flamme avant que